Bienvenue à ce journal dont voici le sommaire. Plus de 90 rapatriés en provenance du camp de réfugiés de Mahama du Rwanda voisin ont été accueillis au poste des frontières de Gasenyi-Nemba en province de Kirundo ce mercredi. Le ministre de l'Intérieur, Martin Niteretse, affirme qu'il y a des responsables qui n'agissent pas compte tenu des exigences du budget programme. Il l'a dit ce mercredi à l'Assemblée nationale lors de l'analyse du rapport d'audit réalisé par la Cour des comptes sur la capacité de gestion budgétaire du ministère de l'Intérieur. Les députés recommandent des sanctions à l'encontre de telles autorités. Et puis, plus de 300 dossiers judiciaires relatifs au conflit foncier n'ont pas encore été exécutés en province de Gitega. Les responsables de la Cour d'appel et du tribunal de grande instance de Gitega soulèvent la cause liée au manque de déplacement. Mais le gouverneur de la province de Gitega indique que les véhicules et le carburant sont disponibles. Patrick Izonderera assure la mise en onde. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Nous débutons cette édition par la page gouvernance. Le budget d'investissement au niveau du ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique a été exécuté à hauteur de plus de 66% au cours de la période de 2021 à 2023, selon le rapport d'audit réalisé par la Cour des comptes sur la capacité de gestion budgétaire de son ministère. Lors de l'analyse de ce rapport à l'Assemblée nationale ce mercredi, le ministre Martin Niteretse affirme mais qu'il y a des responsables qui n'agissent pas compte tenu des exigences du budget programme et les députés requièrent des sanctions à l'encontre de ces derniers et que de les muter pour d'autres fonctions. Placide Niamongere. Selon ce rapport d'audit sur la capacité de gestion budgétaire qui a été réalisé au ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique par la Cour des comptes, il a été constaté qu'au cours de l'exercice 2020-2021, la rémunération des salaires a été exécutée à hauteur de plus de 99% contre 66,08% du budget d'investissement. Selon la commission en charge des finances à l'Assemblée nationale, malgré cette gestion budgétaire, des irrégularités ont été relevées telles que le manque de certains rapports d'exécution et de probables chevauchements entre différentes directions de ce ministère. Sur ce, le ministre Martin Niteretse regrette qu'il y a des cadres qui ne se sont pas encore adaptés au rythme du budget programme. Selon lui, il faut une pression pour qu'ils produisent au moins des rapports. Et sur le faible taux d'exécution, le ministre Martin Niteretse justifie qu'une partie de son fonds a été transférée dans d'autres ministères, tels que le ministère de l'Éducation, de la Justice et de l'Environnement. Le député Jean-Baptiste Nyonzima, quant à lui, s'interroge si après ce transfert, différentes activités qui étaient prévues n'ont pas été affectées. Sur ce, le ministre rassure que ces dernières ont été réalisées par ces ministères, parmi lesquels se trouvent la construction des hôpitaux et centres de santé, l'extension des écoles, électrification des centres, addiction d'eau potable, pour ne citer que cela. À cet effet, les députés demandent au ministre de l'Intérieur de contribuer afin qu'au moins les hôpitaux construits soient équipés. Sur ce, le ministre promet de collaborer avec le ministère de la Santé pour trouver une issue favorable. Et pour la défaillance de certains cadres, certains proposent une réforme administrative alors que d'autres recommandent des sanctions par l'application de la loi relative à l'action réquisitoire. Placide Niamongere, je vous l'avais dit dans les titres, 95 rapatriés en provenance du camp des réfugiés de Mahama du Rwanda voisin ont été accueillis ce mercredi au poste frontière de Gasenyi-Nemba en province Kirundo. Ils indiquent qu'il s'agit d'un rapatriement volontaire et ont par la suite été acheminés vers le site de transit de Kinazi en province Muyinga, le point avec Abraham Safari. Ces rapatriés qui sont rentrés du camp d'Omaha Mass au mercredi sont au nombre de 95. Parmi eux, 58 sont des hommes et 37 sont des femmes. Quand ils sont arrivés à la frontière d'Ogasseninemba, en commune de Wusoni, province de Kirundo, accompagnés par une équipe du HCR du côté rwandais, ils ont été accueillis par l'envoyé du gouvernement du Burundi, du ministère ayant en charge le rapatriement avec des agents du HCR du côté burundais. Dans son mot d'accueil, Nestor Bimenyimana, directeur général chargé du rapatriement, il les a félicités de leur retour dans leur pays natal. Nestor Bimenyimana a précisé que le gouvernement du Burundi les accueille favorablement, qu'ils se sentent alors à l'aise, car ils viennent dans leur famille qui les aime autant. Quant aux rapatriés, ils ont signalé qu'ils se sentent bien à l'aise du retour dans leur pays d'origine et le rapatriement a été volontaire, du moins selon Daishimi Ernest, un de ses rapatriés. Ndikuriya Pascal, de la commune de Nega, a remercié le président de la République de l'initiative prise pour qu'ils rentrent chez eux. Signalons que ces rapatriés ont été acheminés dans le camp de transit de Kinazi en province de Muyi, où ils vont passer quelques jours avant de partir dans leur commune natale. Depuis Kirundo, Abraham Safar pour la radio Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Nous poursuivons avec cette édition sur la page justice. 145 dossiers n'ont pas encore été exécutés par la cour d'appel de Gitega, de même que ça 90, plus de 190, de même que 191 au tribunal de grande instance de Gitega, que ce soit pour le président de la cour d'appel et la présidente du tribunal de grande instance Gitega. La cause, c'est le manque de déplacement vu que ce sont des dossiers qui exigent d'être sur terrain pour leur exécution. Le gouverneur de la province Gitega fait savoir que les véhicules et le carburant sont déjà disponibles et leur demande de bien s'organiser pour qu'au mois d'avril prochain, ils aient tout terminé. Tout cela a été dit ce mardi dans une réunion avec le gouverneur à l'endroit des responsables de tous les tribunaux et parquets dans la province Gitega, Arthur Kavaouchi. Selon le président de la cour d'appel de Gitega, ils ont 145 dossiers qui exigent d'être sur terrain, mais ils n'ont pas de déplacement. Ici à Gitega, il y a 26 dossiers pour 8 jours. À Makebuko, 20 dossiers pour 6 jours. 23 dossiers à Mutaho pour 6 jours. Gishuubi, 26 dossiers, 8 jours. Nyarusange, 5 dossiers pour 2 jours. Itaba, 12 dossiers pour 4 jours. Diheta, 6 dossiers pour 2 jours. Diansoro, 27 dossiers pour 9 jours. Si nous avons un déplacement, on peut aller vite. Quant au tribunal de grande instance de Gitega, ils ont 181 dossiers qui nécessitent d'arriver sur terrain. Au tribunal de grande instance Gitega, nous avons 181 dossiers, dont 121 sont des audiences publiques et 60 sont des dossiers de vérification. Le gouverneur de Gitega, Venant Manirambona, a annoncé que les véhicules et le carburant sont déjà disponibles. Nous avons déjà 1000 litres de carburant et c'est le début. Les véhicules sont aussi là, à commencer par deux du gouverneur. Et dans les communes, il y en a 11 qui sont à votre disposition, ainsi que le carburant. Il faut que vous planifiez seulement les descentes. Cependant, certains présidents des tribunaux de résidence qui ont également des dossiers à mettre en exécution ont soulevé certains obstacles à la mise en exécution des jugements, comme des cas de rébellion affichés par certains justiciables. À cela, la représentante du bureau de l'ombudsman burundais dans les provinces du centre a demandé au procureur du parquet près le tribunal de grande instance de Gitega à accompagner cette mise en exécution et de punir cette attitude. À la cour d'appel de Gitega, les descentes vont débuter ce 26 février et au tribunal de grande instance de Gitega, ces descentes vont débuter le 3 mars, mais tout le monde devra avoir terminé au début du mois d'avril. Arthur Kavabusi, Gitega, Radio Isanganiro. de Gitega-Randono en province Bururi pour parler de la sécurité. Un motard est mort décapité la nuit de ce mardi aux environs de 20h par deux hommes armés de machettes sur la colline Ndagwa en commune Songa de la province Bururi. Selon les habitants de la localité de Kalimbe en commune Bururi, où ces hommes avaient été appréhendés sur la moto de la victime qu'ils tentaient de voler avant de prendre le large. Ces hommes sont tous des militaires en activité, dont un évran à l'école des sous-officiers de Bururi. Ces informations sont également confirmées par le cabinet du gouverneur de la province de Bururi. Et les mêmes sources administratives disent que ce militaire qui travaillait à l'école des sous-officiers a déjà été appréhendé ce mercredi à Bujumbura et la police est à l'œuvre pour appréhender cet autre présumé auteur de cet assassinat qui reste jusqu'ici introuvable. Et les voyageurs qui attendent les véhicules assurant le transport en commun au parking situé dans la localité de Mawa au carrefour des routes nationales numéro 7 et 16 à la frontière des provinces Bururi et Gitega grognent qu'ils sont quelquefois menacés par la pluie car aucun abri ne se trouve à cet endroit. Ils demandent qu'il y soit érigé. Et le gouverneur de la province de Bururi, Leonidas Bandenzamaso, dit qu'il a déjà envoyé une correspondance au ministre ayant les infrastructures dans ses attributions pour demander la construction des abris à son parking, Zenon Nzambiman. Aucun abri au parking des véhicules assurant le transport en commun de Mawa. Quand il pleut, les voyageurs qui attendent ces véhicules se bousculent pour chercher l'abri sous les arbres au bord de la route en bas de ce parking. Ces passagers grognent également que leurs bagages sont quelquefois endommagés par la pluie. Au moment où ce parking est situé autour du carrefour des voies menant vers Matana, Bururi, Gishub et Rutana, des voies qui traversent une grande propriété de l'Izabou à cet endroit, certains des passagers trouvent que c'est un lieu qui peut être facilement transformé en lieu touristique. Une fois y ériger des hôtels, des restaurants et des bistrots. Cela faciliterait également les voyageurs qui attendent les bus à cet endroit, selon les mêmes sources. D'autres, au contraire, ne demandent que la construction de ces abris pour se protéger contre la pluie qui les a menacés à maintes reprises à ce parking. Le gouverneur de la province de Bururi dit qu'il est déjà au courant que ces voyageurs ont réellement besoin de ces abris pour se protéger contre la pluie. Colonel Ludas Banezamaso fait savoir qu'il a déjà envoyé une correspondance au ministre ayant les infrastructures dans ses attributions pour lui demander que ces abris soient construits à son parking de Mawa. Entre-temps, les usagers de la route nationale numéro 16 et tronçon Bururi-Mawa en tronçon aujourd'hui goudronné et accueillant sont réduits de son état de praticabilité. Depuis le parking de Mawa, Zenon Nzambimana pour la radio Isanganiro. Merci Zenon Nzambimana. Le projet de construction du barrage électrique de Lusumo, l'alimentation d'eau potable dans les provinces Muyinga et Kirundo, sont parmi les projets que le Bondé a bénéficié de la part de la coopération du bassin du Nil. Lors d'une conférence de presse ce mercredi, Louise André Ndaïzeye, chargée de la communication au sein de cette coopération, indique qu'un autre projet de développement va bientôt commencer sur la rivière Ruvironza dans la province de Gitega. Et s'est exprimé à la veille de la célébration du 25e anniversaire de la coopération du bassin du Nil, ce 22 février. Nous avons bien mentionné le Burundi, le Rwanda, la Tanzanie, l'Ouganda, le Soudan, le Sud-Soudan, le Congo, le Kenya. Nous avons aussi l'Éthiopie. Spécifiquement pour le Burundi, nous avons le projet de Lusumo, de développement du barrage de Lusumo qui est en train de produire actuellement maintenant 80 MW qui sont équitablement partagés par les trois pays, Burundi, le Rwanda et la Tanzanie. Le projet Lusumo a aussi d'autres programmes connexes de développement socio-économique dans les districts limitrophes. Nous avons le programme de développement local à Muyinga et à Busoni où nous avons le projet Lusumo a construit en collaboration avec les districts et les provinces. Nous avons des projets d'adduction d'eau, de construction d'écoles, de construction de centres de santé. Au Rwanda, nous avons ce programme à Ngoma et à Kirehe. En Tanzanie, nous avons les mêmes programmes à Ngara. Et bien, au Burundi, nous avons le programme de développement local à Muyinga et à Kirundo, et notamment à Busoni et à Gitelani. Nous avons construit des programmes d'adduction d'eau, réhabilitation et extension de 30 km d'adduction d'eau à Gitelani. Nous avons construit des centres de formation des jeunes à Luzo, des centres de santé à Bugoma. projet de la Kanyalu qui est multidimensionnel. Il va produire un barrage. C'est un barrage de 14,5 MW qui va servir au plus ou moins une population de plus de 683 000 personnes. Nous poursuivons avec cette édition. Certaines femmes de la commune Nyanzara qui est en province Makamba indiquent qu'elles utilisent des méthodes contraceptives en cachette. L'une des raisons avancées par ces femmes est l'opposition de leur mari à l'utilisation des contraceptifs. Ces maris disent craindre notamment des rumeurs autour de ces méthodes modernes. Dans le district sanitaire de Nyanzara, que l'on décourage cette pratique de cachette et recommande plutôt le dialogue entre conjoint. C'est au moment où le ministère de la Santé est en train de mener une campagne de sensibilisation sur la santé reproductive et la nutrition à travers 6 provinces du pays. Le point avec Raïssa Liliane Inamahoro. Certaines de ces femmes de la commune Nyanzalak indiquent qu'elles utilisent les méthodes de planning familial en cachette pour éviter que leur mari ne le découvre. Elles disent que les grossesses répétitives affaiblissent leur santé et ne s'attellent plus aux travaux de développement. Les hommes de Nyanzalak, interrogés à ce propos, ils rétorquent la peur des effets indésirables que peut occasionner l'utilisation de ces contraceptifs chez leurs épouses, mais également leurs croyances religieuses qui ne leur permettent pas l'adhésion à ces méthodes moderne, mais aussi croire à l'ancienne coutume pronataliste. Chantal Hafashimana, agent de la santé communautaire dans la zone Mouyangé, indique reconnaître des cas qui sont sous méthode sans le consentement de leur mari. Quant au médecin chef de district sanitaire de Nyanzalak, Dr David Ndayimbaadze, il décourage cette pratique de le faire en cachette et une fois mis au courant de cette situation, ils appellent ces couples pour de plus amples sensibilisations et insistent sur le dialogue entre conjoint. La situation se présente ainsi au moment où le taux d'adhésion aux contraceptifs dans le district sanitaire de Nyanzalak est encore faible d'environ 10%. La moyenne nationale se trouve à 29% comme c'est indiqué dans l'enquête démographique de santé effectuée en 2016 et 2017. Vous saurez que le gouvernement du Burundi s'est donné l'objectif d'atteindre une prévalence contraceptive de 60% d'ici 2025. Raïssa Liliane Inamahoro en commune Nyanzalak de la province Makamba pour la radio-télévision Isanganiro. Parle, rassure-moi. Certains habitants de la colline gênée de la commune Kabarore en province de Kayanza disent qu'ils ne s'observent presque plus des personnes qui utilisent les narrations historiques pour créer le grouping dans leur localité. Ces personnes affirment que c'est le résultat de différentes sensibilisations pour la bonne cohabitation. Le secrétaire exécutif et permanent de la commune Kabarore précise que ces sensibilisations sont plus renforcées à l'approche de la période électorale. Le point avec Ornella Mucho. Hai sabe nyigisho cyane cyane baradusigurira yuko twagiye turacanishwamo n'abazungu. Ubu bavuze ati bakana kandi bo bishe nkaso. Les narrations historiques utilisées pour créer des divisions n'ont presque plus de place à la colline gênée de la commune Kabarore en province Kayanza. Cela est affirmé par certains habitants composés de femmes et hommes de cette localité où ils disent que cette cohabitation entre Hutu et Tutsi ou différents partis politiques résulte des sensibilisations qui ont fortement diminué ces messages de haine. En 1993, ce genre de messages véhiculés et les gens craignaient que cela pourrait envenimer les conflits comme observé en 1972. Pour une personne qui a perdu son être cher suite à des crises sociopolitiques, c'est fort possible qu'elle ressent de la haine envers l'autre groupe. Alors, une fois que cette personne raconte cette histoire avec l'intention de créer des divisions, vous comprenez qu'il doit y avoir ceux qui la soutiennent. Et cela s'observait beaucoup plus dans le passé. Mais aujourd'hui, pas mal ont compris que la haine ethnique n'a plus de place grâce aux sensibilisations. Le secrétaire exécutif permanent de la commune Kabarore, Josias Nsaimana, se réjouit que les choses se soient améliorées grâce aux sensibilisations organisées régulièrement à l'endroit de la population, lesquelles renforcées à la période proche des élections. Lorsque nous approchons la période des élections, les conflits naissent souvent suite aux manipulateurs qui véhiculent des messages haineux, mais après cette période, la cohabitation est pacifique. Alors, dans des réunions ou travaux communautaires, nous profitons de cette occasion pour rappeler à la population la période qui approche. Nous leur rappelons qu'ils doivent rester vigilants et prudents pour toute information donnée et demander conseil auprès des autorités pour le comportement à adopter. Ces habitants de la colline Djéné sont conscients que les messages de haine violents finissent par provoquer des tueries de masse et souhaitent que cela ne se reproduise plus au Burundi. C'est par ici que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi.